Malheureusement, je n'ai pas pu être avec vous en studio ce matin et ça s'est tellement ressenti sur l'ambiance. C'était méritant, mais c'était plat. Oh, quand je suis en studio, ce n'est pas la même mission. Hein. Je suis là, c'est van sur van, je snipe. C'est bien simple, j'arrête pas de sniper. Et quelque part, moi, je salue les efforts de Daniel. Hein. Il fait son possible avec le vocabulaire qui est le sien. Je ne critique pas. Hein. Il a même tenté une plaisanterie à 11h47. C'était cute. Les grosses têtes vont encore vouloir nous le voler, celui-là. Hein. Non, limite, c'est pour nos invités que je suis triste. Ils n'ont pas eu droit à la vraie bande originale. Là, ils ont un peu eu le PSG sans Neymar. Et le PSG sans Neymar, c'est le FC Trouville. Bref, Trouville. Hey, si j'ai dû rester au pays, c'est parce que je suis en quarantaine. Quoi? Encore l'herpès? Pas du tout, Leïla, je vous mettrai jamais en danger. Non, je suis en quarantaine parce que la semaine dernière, j'ai passé plus de 48 heures à Paris. Ce qui fait qu'en Belgique, hygiéniquement, je suis plus ou moins considéré comme une toilette de station-service. J'ai donné 1€ à un SDF, il a désinfecté la pièce. Sérieux? Depuis que je suis rentré, je dois faire un test toutes les 9 minutes. Là, mon nez, c'est l'eurotunnel. Dans mes narines, il n'y a plus de résistance. Ils sont obligés de faire le PCR avec une brosse à dents. Ouais, les cotons-tiges, ils passent direct dans mon hypothalamus. Il y en a déjà 4 qui sont restés bloqués. Dans 2 mois, j'ouvre une droguerie. Sérieux, c'est ouf. En quarantaine, je suis censé surveiller mes paramètres en permanence. Là, par exemple, en ce moment même, je prends ma température. 36,9. Vous le voyez pas parce que je suis en plan poitrine, mais en plan américain, je peux pas le louper. Et on salue cette blague, la blague du thermomètre dans l'anus. Ça, par exemple, j'aurais été en studio, je vous l'aurais faite, c'était le fuego. Derrière, je partais sur une gamme de mimes et tout. Franchement, sans compter que j'aurais ironisé sur le dépistage rectal qui se fait scandale en Chine. Là. Oui. Hein, mais est-ce qu'on veut du rire facile dans cette émission? Hein? Oui. Oui, on veut du rire facile, mais sans tomber dans l'excès. Ceci dit, c'est vrai que la procédure est stricte quand tu reviens de France. À la sortie du Thalys, les flics ils m'ont demandé si j'étais venu pour raison professionnelle. J'étais là, sans blague. Il n'y a plus personne qui est à Paris pour le plaisir. Hein. Si ton plaisir, c'est de te dire, bon ben, il est 17h52. Allez, bonne nuit. Hein. Pour le plaisir. N'importe quoi. Déjà que moi, être en France, c'est un supplice de base. Chaque fois que je croise un maçon qui bétonne un mur, je pense à Didier Deschamps. C'est dramatique. Hein. Non, mais en réalité, j'aurais pu éviter la quarantaine et les tests. Il suffisait de tricher en achetant un deuxième billet que j'aurais montré à la police en disant, voilà, j'ai passé moins de 48 heures à Paris. C'est ce qu'il m'a suggéré, Nagui. Il m'a dit, mais fraude, un fils de cul. Tu t'en bats les steaks de la police belge, c'est des baltringues. S'ils te font chier, limite, tu dis que tu me connais. Sauf que cette technique, elle marche pas. Hein. Je connais Nagui, j'ai déjà essayé avec un vigile dans un super rue. J'ai jamais pu rentrer. Hein. J'ai demandé à un inconnu de me la prendre, ma chicorée. Donc voilà. J'ai décidé de jouer au citoyen modèle, mais quelque part, ça me turlupine, parce que je suis pas sûr d'être dans le bon camp. Je crois que c'est Jean Moulin qui disait, les nazis, on n'est pas toujours d'accord, mais on se respecte. Et je suis comme lui. J'ai des doutes sur mon attitude, parce que j'obéis, mais qui sait s'il est pas temps de désobéir. Et je tiens à remercier Damien Saez pour cette phrase, c'est tiré de l'album La Révolution, oui, mais quand j'aurai fini mes chocs à pic. C'est chaud là en Belgique, jusqu'au 1er mars, on a carrément plus le droit de sortir du pays pour venir en studio la semaine prochaine. Je vais devoir remplir une déclaration sur l'honneur. LOL, depuis quand j'ai un honneur? Toutes mes ruptures, je l'ai fait via note vocale. Du coup, je vais écrire sur l'honneur que je viens bien travailler à Paris en stipulant que je suis obligé. Bah ouais, si t'enlèves les Belges de France Inter, il reste la météo marine. Hein. On aurait peut-être pas gagné la Coupe du Monde, mais sans nous, France Inter serait derrière Chérie FM. Eh, hey, vivement que je revienne en studio, les gars. Franchement, qu'on retrouve le vrai PSG. Allez, bonne émission. Merci, bravo.